Maintenant qu'il ne me restait plus rien à désirer, je me sentais devenir injuste. Je m'affectais de ce que Marthe put mentir sans scrupule à sa mère, et ma mauvaise foi lui reprochait de pouvoir mentir. Poussé par le même démon, je lui fis encore le reproche de m'avoir caché l'arrivée de son mari. Je reprenais de plus belle. « Alors, tu nous trompes tous les deux. Dis-moi que tu l'aimes. Sois contente. Dans 8 jours, tu pourras me tromper avec lui. » Elle se mordait les lèvres, pleurait. « Qu'ai-je donc fait qui te rende aussi méchant? Je t'en supplie, n'abîme pas dans ton premier jour de bonheur. Il faut que tu m'aimes bien peu pour qu'aujourd'hui soit ton premier jour de bonheur. » Il m'était impossible d'expliquer à Marthe que mon amour grandissait. Sans doute atteignait-il l'âge ingrat. Et cette taquinerie féroce, c'était la mue de l'amour devenant passion. Je souffrais, je suppliais Marthe d'oublier mes attaques. Mais je doutais souvent de son amour. Quelquefois, je me demandais si je n'étais pas pour elle un passe-temps, un caprice, dont elle pourrait se détacher du jour au lendemain, la paix la rappelant à ses devoirs. Pourtant, me disais-je, il y a des moments où une bouche, des yeux, ne peuvent mentir. Ma clairvoyance n'était qu'une forme plus dangereuse de ma naïveté. Je revins à la maison à 9h30 du soir. Mes parents m'interrogèrent sur ma promenade. Je leur décrivis avec enthousiasme la forêt de Sénart et ses fougères, deux fois hautes comme moi. Je parlais aussi de Brunois, charmant village où nous avions déjeuné. Tout à coup, ma mère, moqueuse, m'interrompant. « À propos, René est venu cet après-midi à 4h, très étonné en apprenant qu'il faisait une grande promenade avec toi. » J'étais rouge de dépit. Cette aventure et bien d'autres m'apprirent que, malgré certaines dispositions, je ne suis pas fait pour le mensonge. On m'y attrape toujours. Mes parents n'ajoutaient rien d'autre. Ils eurent le triomphe modeste.